me confesse. Je t'ai toujours imaginé dans une autre tenue que celle que t'as d'habitude. Et nous deux seuls dans une pièce. Je mets Netflix pour te tester. Dans nos verres, y'a du Jack au miel. Je te raconte pas la suite du rêve. Tu m'attires, je m'imagine sur ton corps, ouais. J'aimerais dire que j'adore, ouais. Je t'entends m'en demander encore, ouais. Tu m'attires, peut-être que tu m'as jeté un sort, ouais. J'aimerais dire que j'adore, ouais. Je t'entends m'en demander encore, ouais. Je dois te faire terminer la tease. Une enceinte, un fond de musique. À part les murs, il n'y a que nous. À la fin, tu ne dois plus tenir debout. Avant de te rejoindre sous la douche, traîne noir comme une lèvre sont sur ta bouche. Y'a déjà plus de Jack au miel. As-tu capté la suite du rêve? Tu m'attires, je m'imagine sur ton corps. Dis-moi, dis-moi, si tu veux demain tout s'efface. Je cherche des défauts dans tes qualités. Et comment tu m'attires, je crois que t'as pas aimé. J'adore, ouais. Je t'entends m'en demander encore, ouais.